allez avoir besoin de moi là ou pas? Parce que je suis en pause le temps de la récré. Non, de toute façon, je suis là. S'il y a besoin, je bouge pas. Et j'attends juste que l'enseignant... Thank you. Non, mais en cours, Raphaël, taille-vous. Raphaël, taille-vous.